J'étudie à la bibliothèque. Et vous? Moi, par contre, j'étudie à la maison. Mon fils déjeune à la cantine. Et le vôtre? Lui, par contre, il déjeune à la maison. Mes deux fils font leurs devoirs à l'étude. Et les vôtres? Eux, par contre, ils font leurs devoirs à la maison. Mon mari déjeune au restaurant. Et le vôtre? Lui, par contre, il déjeune à la maison. Mes filles aiment jouer dehors. Et les vôtres? Elles, par contre, elles aiment jouer à la maison.